Madame, je vous témoignerai par avance la reconnaissance profonde que je vous garderai de l'honneur que vous m'avez fait en ne montrant pas la cantatrice Josepha, la maîtresse du duc d'Hérouville, à côté de la plus belle, de la plus sainte image de la vertu. Je vous respecte trop pour me faire voir auprès de vous. Ce n'est pas une humilité de comédienne, c'est un hommage que je vous rends. Vous me faites regretter, madame, de ne pas suivre votre sentier, malgré les épines qui vous ensanglantent les pieds et les mains. Mais que voulez-vous? J'appartiens à l'art, comme vous appartenez à la vertu. Pauvre fille, dit la baronne, émue au milieu de ses douleurs, par un singulier sentiment de sympathie commisérative. Je prierai Dieu pour vous, car vous êtes la victime de la société qui a besoin de spectacle. Quand la vieillesse viendra, faites pénitence, vous serez exaucée, si Dieu daigne entendre les prières d'une martyre, madame, dit Josepha, qui baisa respectueusement la robe de la baronne. Mais Adeline prit la main de la cantatrice, la tira vers elle et la baisa au front. Rouge de plaisir, la cantatrice reconduisit Adeline jusqu'à sa voiture avec les démonstrations les plus serviles. « C'est quelque dame de charité, dit le valet de chambre à la femme de chambre, car elle n'est ainsi pour personne, pas même pour sa bonne amie, madame Jenny Cadine. « Attendez quelques jours, dit-elle, madame, et vous le verrez, ou je renierai le dieu de mes pères, et pour une juive, voyez-vous, c'est promettre la réussite. »